Dis à tes amis de venir. Mais je leur ai déjà dit. Explique à tes parents où on est. Mais je leur ai déjà expliqué. Demande à ton frère d'apporter du vin. Mais je lui ai déjà demandé. Dis à ta sœur de nous rejoindre. Mais je lui ai déjà dit. Montre aux enfants comment ça marche. Mais je leur ai déjà montré.